fou de diversité. C'est fou, 89 ans. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On profitera de la semaine de relâche pour apprendre des choses dans cet effet. Et on passera beaucoup de temps ensemble, et moi j'espère que vous êtes prêts. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 2 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis est encore en congé aujourd'hui. Les lundis, c'est pas sa journée, faut croire, Stéphanie. Donc aujourd'hui, ensemble, on va être pas mal seuls, vous et moi. Et comme c'est la semaine de relâche, il va y avoir quelques chroniqueurs absents, c'est certain. Et comme on est dans le milieu professionnel, faut le dire vite, là, professionnel, mais j'ai pas pensé du tout à la semaine de relâche. J'ai oublié de le dire aux chroniqueurs qu'il y avait des émissions quand même. Ah, c'est ma faute! Donc on va passer plein de temps à faire du site un fait aujourd'hui, ça c'est sûr. Et d'autres affaires autour de ça, j'ai pas encore déterminé exactement ce qu'on va faire, mais du site un fait et d'autres chroniques maison dans l'émission d'aujourd'hui, Assemblage requis. Ça va être comme ça une fois de temps en temps cette semaine, même si je sais qu'on va avoir la présence de quelques chroniqueurs d'ici à jeudi. Alors on va y aller tout de suite en musique, tiens, pour commencer, relax, on va prendre ça vraiment mollo, là, tout le monde en pyjama toute la journée par l'émission, on fait ça vraiment à la bonne franquette. Donc écoutons-nous un petit peu de Le Couleur. Et allons faire un tour dans un petit club italien à Pompipom. 89 FM, c'est fou! Italien par Le Couleur à Assemblage requis. Ce palmarès francophone, bien sûr. Tiens, on va commencer l'émission avec son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je tombe sur sa tête. foutu palmarès, c'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet précis. Cette semaine, cette fois-ci, en fait, on regarde un peu une liste d'acteurs qui ont fait les voix des M&M dans les publicités d'M&M. Ouais. Au Academy Awards aux Oscars dimanche de la semaine passée, J.K. Simmons a ramené le prix de meilleur acteur de soutien pour son rôle dans Whiplash. C'était le premier acteur des M&M à gagner un Oscar. Simmons est la voix du M&M jaune dans les publicités d'origine en anglais depuis presque 20 ans. Mais c'est pas la seule vedette qui joue le rôle de ces bonbons. Donc on va regarder cette liste-là de la part de Mental Floss. Commençons encore donc avec J.K. Simmons qui joue jaune. Gagnant d'Oscar maintenant. Il a enregistré plein de voix pour la marque et pour célébrer sa nomination cette saison des prix. C'est la saison où on donne un paquet de prix, tous les galas ont lieu en même temps. La compagnie lui a présenté un portrait mosaïque de lui-même, fait à partir, bien sûr, de M&M. On va écouter son extrait de la publicité avec le M&M Chrome. J.K. Simmons. She is. My shell's cracking. Tia, she's beautiful. You big... Tia... C'est la voix plus grave. Hi. Oh, hello. Oh, you're so sweet. Thank you. Give me a break. So, is it love? Yeah, and love hurts. Donc, le M&M jaune s'est fait pousser en bas par le M&M rouge et est tombé sur une jolie demoiselle qui lui donne des bisous. Et il dit, le jaune, il dit, l'amour fait mal. Ensuite, Billy West. Vous êtes probablement au courant de qui est Billy West si vous écoutez quelques dessins animés. C'est lui qui joue Fry dans Futurama. Il joue aussi Zap Brannigan, le professeur Farnsworth et Dr. Zoidberg dans Futurama. Il joue Doug Funny dans le dessin animé Doug et Roger Klotz aussi dans cette même émission. Il joue Ren and Stimpy dans le Ren and Stimpy Show et plusieurs autres. Donc, c'est lui qui jouait l'autre rôle dans la publicité qu'on vient tout juste d'entendre. Il jouait le rouge. Ensuite, John Goodman a aussi joué la M&M jaune. Avant que J.K. Rowling, pas J.K. Rowling, franchement, J.K. Simmons s'approprie le rôle du M&M jaune, c'était John Goodman qui le jouait. Donc écoutons-le dans cette publicité où il joue le bonhomme jaune, je vous décris ça en quatre. On voit les M&M bleus qui dansent sur un piano. I wanna be in this commercial. You ain't getting this job because you're not blue. Great. Quand le jaune dit j'aimerais jouer dans cette pub, le rouge dit mais t'es pas bleu. Ah, c'est B.B. King qui chante du blues. Le M&M jaune qui dit j'aimerais être bleu. Donc il veut se peinturer en bleu. On voit les M&M jaunes et les M&M rouges qui se sont peinturés juste à l'avant. Vous êtes pas bleu! Mr. King ate them. One bite, saw with my own eyes. Ah, quand même bien ça! Un peu commentaire sur le sur les noirs et le blues là-dedans. Tiens. J'aimerais ça être bleu, c'est comme j'aimerais ça être noir. John Lovitz, qui a déjà joué le bonhomme rouge. Donc, avant que Billy West prenne le rôle de rouge, le rôle appartenait à John Lovitz. On va regarder encore une fois une publicité des années 90, mettant en vedette John Goodman dans le rôle du jaune, Lovitz dans le rôle du rouge et Steven Weber dans son propre rôle. Acteur connu quand même, Steven Weber, pour plusieurs téléfilms américains. On l'a aussi vu dans Wings, sitcom des années 90. Wow. Et la qualité du son, hein. Donc les rouges et jaunes sont assis sur un divan. Steven Weber, ses longs cheveux, est en train de manger des M&M. Only bigger. With a colorful shell, just like this. The actor's catching on. Rich milk chocolate on the inside. Chocolat riche à l'intérieur. Oh, then I'm really glad you came by. Alors, je suis content que vous soyez passé. Je pense qu'il vient de se rendre compte qu'il mangeait des M&M puis que les deux gosses, c'est des M&M. He is. I hear he's delicious. J'entends dire qu'il est délicieux pour qu'il mange le M&M jaune. Je crois qu'en tout cas, moi, je connais pas le prochain personnage. C'est ça, M&M. Il y avait une rumeur, un mythe, une légende urbaine disant que certains ingrédients du M&M vert les rendaient aphrodisiaques. Donc, Mars, qui est accompagné derrière M&M, a décidé de faire du personnage du M&M vert une fille qui flirte tout le temps. Donc, Cree Summer, qui joue le rôle de Susie Carmichael dans Les Rats Moquettes, Rugrats, Elmira Duff de Tiny Toon Adventures et Penny dans Inspector Gadget. Donc, c'est la même fille qui fait tous ces personnages-là, Cree Summer. Un peu comme Billy West, son CV de voix dans les dessins animés est quand même assez long. Écoutons sa voix à Cree Summer dans la publicité avec les M&M verts. Well, Dennis, what happened was c'est un talk show. Red, but it's time to bring out our next donc l'animateur interrompt les deux M&M jaunes et rouges. Il amène les M&M verts qui sont les plus intéressants. So, sweetie, you have been busy. Donc, ma chère, well, my new movie's t'es occupé? Opening. Oui, mon nouveau film est en cinéma. Of course not. And you know about my book. Bittersweet memoir, I Melt for No One. It's changing. Son livre est I Melt for No One, je fonds pour personne. Le rouge lui dit, appelle-moi quand tu voudras faire des pubs. Et il avait refait, je ne fais pas de publicité. Et l'animateur Dennis Miller dit, ah, ça tuerait ta carrière de faire des publicités. Oh, oh, oh. Parce qu'on est dans une publicité, c'est super méthode. Ensuite, une des plus récentes membres de la famille des bonbons M&M, c'est Vanessa Williams, qui prend le rôle du M&M brun, qui a débuté donc dans une publicité du Super Bowl en 2012. Madame Brown, qui est le cerveau derrière les M&M, selon Vanessa Williams. Vous la connaissez pour un paquet de rôles, Vanessa Williams. Si vous voyez sa publicité, vous allez tout de suite la reconnaître. Je ne ferai pas une liste de ses rôles. Je pourrais, là, mais il y en aurait beaucoup trop pour tous les nommer. Vous l'avez vu dans plein de dramatiques et de comédies. Je crois qu'elle était dans... Ah, tu vois, je n'avancerai même pas les noms des séries, tellement il y en a trop. Donc, pour ça que j'ai dit, monsieur le premier ministre, je suis très flatté que vous aimez le chocolat. Mais je suis ici que pour des raisons professionnelles. C'est quoi son problème? Elle pointe un autre. Elle dit ma coquille est brune, ça donne juste l'impression que je suis toute nue, mais c'est ma coquille. I'm sexy. Et donc ça je déteste ça, je me rappelle ça. C'est le M&M rouge qui enlève sa coquille pour se mettre nu. Ah, ce n'est pas votre chocolat normal. Ah, cette publicité-là me tape sur les nerfs. Ensuite, encore un autre que je connais pas, mais c'est un humoriste, comédien, un acteur. C'est le M&M au pretzel qui est constamment stressé. Il a peur qu'il va se faire manger. Hein? Donc, les M&M au pretzel qui sont évidemment délicieux, donc c'est pas surprenant. Donc, Kirch Burger. I know people love pretzels and Eric. Chocolate together, but now you have taken it too far! I don't care if I'm the official spokesman for the new pretzel M&M's. There is no pretzel. Way that you're putting a giant pretzel inside me. Pas m'insérer un gros pretzel. Listen, buddy, I'm not too thrilled about this either. Et le pretzel qui dit, je suis pas tellement excité là-dessus, moi non plus, à ce sujet-là. Oh boy. New M&M's pretzel. A crunchy pretzel inside an M&M's. Les M&M's au pretzel. Yeah. All right. Let's get this over with. OK, allons-y. Allons-y! Donc, c'est Bradzel qui a peur, lui aussi, de se faire insérer dans The M&M. Hey, mention honorable, je pense que ça va sans dire que Phil Hartman a fait la voix de bleu lorsque la couleur a remplacé une autre couleur en 1995. Donc, c'est les rumeurs. C'est mentionné à plusieurs endroits que Hartman était la voix de bleu. Donc, dans une publicité de 1996, on va l'écouter voir si c'est vraiment Phil Hartman. Phil Hartman qui jouait le rôle de... c'était le... dans les Simpsons, Lionel Hutz. Voilà, c'est bien ça. Ouais. Donc, on y va. Thanks. Oh, would you look who's sliding lui, c'est our le rouge. Way. Yo, what's up, besides the sun? Ah ah! Ouais, c'est clairement lui. Mamma mia. Il joue une grande barre de chocolat. J'ai un peu de barre de chocolat. But you can call me chocolatate. Vous pouvez m'appeler chocolatate. So be careful. Candy shells even better than sunscreen. Oh, I'm sure he'll be just... Ew! Il est en train de fondre sur la chaise longue. Parce que c'est le chocolat qui fond dans votre bouche et pas dans votre main, nous dit-on. Ah, ça, c'est tout à fait vrai. Et en tout cas, connaissant Phil Hartman, l'ayant écouté dans plein d'émissions, dans Saturday Night Live, dans News Radio à l'époque, et dans Les Simpsons, bien sûr. Et c'est lui qui est l'inspiration, apparemment, de Zap Brannigan dans Futurama, même si c'est pas lui qui a fait la voix parce qu'il était décédé avant ça. En tout cas, moi, sa voix, je la trouve extrêmement similaire. Si c'est pas lui, c'est vraiment un très bon imitateur de Phil Hartman. Allez voir les publicités sur assemblagerequis.com. C'était la liste des acteurs qui ont joué les M&M à travers l'histoire. On reste dans son foutu palmarès parce que c'est le fun de faire des listes une fois de temps en temps. On se casse pas trop la tête. Mettons que c'est du facile et moi, ça me divertit. C'est la liste des émissions de télé, les finales d'émissions de télé les plus regardées de tous les temps. Vous savez, récemment, c'était la finale de Mon Oncle Charlie, hein, qui a plus de Charlie dedans depuis 4 ans. Mais c'est comme ça quand en français, tu donnes un nom de quelque chose qui est pas le même qu'en anglais. Tu te tires dans le pied parce que ça n'a plus vraiment de sens pendant les 4 dernières années qu'il n'y avait plus de Charlie. Donc, ça a terminé récemment sur Punch, là... Je vais pas vous voler le punch final, mais c'est tellement un punch de merde. Je comprends pas qu'ils ont fini comme ça. Allez rechercher juste la finale de Two and a Half Men. Les peut-être, j'irais. Alors allez-y avec les 3 dernières minutes, c'est en masse. Peut-être scroller dedans, tu sais, passer d'un point à l'autre juste pour voir qu'il y a un dessin animé en image de synthèse au milieu, vu qu'il y a, en tout cas, bref. Je vous briserai pas le punch, mais c'est vraiment vraiment boboche, comme tout le reste de l'émission. Bref, on va se faire la liste des émissions de télé, des finales, qui ont été les plus regardées de tous les temps. En 10e place, on retrouve Papa Bricole, Home Improvement en 1999 avec 35,5 millions de téléspectateurs. Tim Taylor, qui a réussi à tasser Frasier en numéro 11, Dallas en numéro 12 et Tout le monde aime Raymond, Everybody Loves Raymond en numéro 15 pour la position numéro 10. J'ai vu différents endroits où on parlait de papa bricole et d'autres endroits où on parlait de rénover les pas joués. Vous prenez ça comme ça vous tente, là, mais Home Improvement, on me dit sur le IMDb français, papa bricole officiellement, entre 91 et 99. Ça a l'air tellement cheesy comme émission quand tu l'appelles papa bricole, mais bon. Tout a l'air cheesy en français de toute façon. Ensuite, on y va avec Family Ties en 1989 et en même temps que je vous lis les phrases, je vais essayer de tout le temps chercher pour vous les noms en français quand je les connais pas pour que ça vous aide un petit peu à vous replacer. Donc, Family Ties en 1989, 36,3 millions de téléspectateurs ont regardé pour savoir si Alex allait prendre son emploi de rêve à New York et allait laisser la famille Keaton derrière. Ça, c'est l'émission qui a mis notre ami Michael J. Fox sur la map. En français, ça s'appelait Sacré Famille. Évidemment, hein? Sacré Famille. Donc, l'histoire de ex-hippies du côté libéral, Stephen et Elise Keaton et leur fils conservateur Alex. Donc joué par Michael J. Fox. Ensuite, on parle en 8e place de All in the Family en 1979. 40,2 millions de téléspectateurs ont regardé Archie promettre son amour à Edith qui n'allait pas très bien à ce moment-là. Spoiler alert, Edith qui est morte dans la suite de cette série-là. Donc ça, c'était en 1971, All in the Family, qui n'a pas de titre en français apparemment. En tout cas, je n'en vois pas ici. Ensuite, c'est la controverse en ce moment par rapport à cet homme. On parle du Cosby Show. Oui, le Cosby Show. En 1992, Théo graduait de l'Université de New York devant 44,4 millions de téléspectateurs et Denise était de retour via téléphone pour révéler qu'elle était enceinte. L'actrice n'était pas de retour, donc j'imagine. Mais le vrai choc est lorsque Cliff a enfin réussi à faire fonctionner la sonnette de sa maison. Il avait essayé de la réparer tout au long de la saison. Donc le Cosby Show, qui en français s'appelait simplement Cosby Show. Il n'y avait pas de. Hein? Ah, après ça, Magnum P.I., bien sûr, en 1988. Est-ce que Higgins était vraiment Robin Masters? Qu'est-il vraiment arrivé à Lily? Est-ce que Rick se mariera? Au moins 50,7 millions de téléspectateurs voulaient savoir la réponse, connaître la réponse à ces questions-là. En cinquième, Friends, ou encore Entre Amis, en 2004, 52,5 millions de téléspectateurs. Qu'est-il arrivé à Rachel et Ross, à Monica et Turner, à Phoebe, juste tout court? Tout le monde, évidemment, a vécu heureux jusqu'à la fin des temps. Ça a bien fini un petit peu trop, Friends. Je trouvais... J'aime pas les fins heureuses comme ça. En quatrième, Seinfeld, en 1998, 76,3 millions de téléspectateurs et au moins la moitié étaient déçus par ce qu'ils ont vu. Je pense que c'est un consensus que la finale de Seinfeld est pas la meilleure finale de tous les temps. Un critique a dit... Ben c'est ça, que c'était une... Ouais, ça veut pas dire grand-chose, hein? Que c'était... Il était temps que ça finisse, bref. Pourtant, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est bon jusqu'à la dernière goutte, Seinfeld. The Fugitive, en 1967. Le Fugitif, donc en troisième place du palmarès des séries. Des finales de séries les plus regardées de tous les temps. 78 millions de personnes ont regardé la deuxième partie de la finale pour voir ce qui allait arriver avec Richard Kimball. En deuxième, c'est l'émission qui se passe dans un bar à Boston. Cheers, en 1993. 80,4 millions de téléspectateurs. Le retour de Diane. Tout le monde se demandait ce qui s'était passé au personnage de Shelley Long. Et finalement, en première place, la finale la plus regardée de tous les temps, c'est MASH, avec 105,9 millions de téléspectateurs qui ont regardé l'épisode réalisé par Alan Alda, qui était une des vedettes de l'émission, Goodbye, Farewell and Amen, qui était non seulement la finale de série la plus regardée de tous les temps, mais aussi l'événement télévisé le plus regardé de tous les temps, jusqu'en 2010, où le Super Bowl a pris la première place avec 106 millions de téléspectateurs. Moi, par contre, je me dis que le 106 millions du Super Bowl, c'est pas nécessairement des gens qui regardaient le Super Bowl. Il était juste ouvert en arrière. Ah, les gars. Il me semble que les gens étaient plus attentifs pendant la finale de match. Faut qu'on pourrait dire qu'il y a plus de gens que de télé en 2010 pour le Super Bowl parce que plus de personnes regardent autour de la même télé. Donc sûrement que la cote d'écoute vaut plus que ça. Mais bon, voilà. Alors, on aurait pu aussi ajouter la finale de l'émission du talk show, le Tonight Show avec Johnny Carson. On estime 50 millions de téléspectateurs, mais ça, ça aurait été si on n'avait pas seulement regardé la liste des émissions en prime time. Donc, les sources sont le USA Today, TV Guide, Reuters et le Time. C'est selon encore et toujours lorsque je parle de liste de mentalfloss.com. Je trouve ça bien quand même d'être au courant de quelles émissions sont les plus regardées, même si dans le fond du top 10, il y avait plusieurs émissions qu'on ne connaît pas tant que ça. Au Québec. Voilà. C'est tout pour son foutu palmarès. On fait ça quand on a le temps. À Assemblage Rookie. Alors, on écoute The Seasons, parce que qu'est-ce qu'il y a dans une série télé? Ben, c'est plusieurs saisons d'émissions de télé, hein? The Seasons, voici Copernicus au 89 FM. C'est fou. Dear, I need to make you understand. It's black and white, each satellite is part of an expanding rubber band. And so, that's why it's turning in my mind. I think it's this, but then it's that. It's fine, I guess, it happens all the time. And so the moon just rolls around the earth, yet they both just roll around the sun. You see, we're always part of something bigger than ourselves. I need the sun, I need the sun. I need the sun, I need the sun. Seasons et Copernicus à Assemblage Requis. On prend une pause au retour, c'est un fait, pendant une heure, puis d'autres affaires avec moi, Mathieu Plante. Assemblage Requis, restez là. Fou de découverte. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est lundi 2 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante, Stéphanie Paradis va être de retour demain. Dans quelques instants, on va se clencher là, des faits. Sans cesse des faits, parce que même si la semaine de relâche, on doit apprendre un peu. On va pas rester fermé et se dire « j'apprends rien ». Non, pas la fin de même. C'est un fait dans quelques instants, mais avant ça, on écoute White Horse sur leur album Leave No Bridge Unburned. Voici Downtown au 89 FM, c'est fou. is killing me. This relentless drone bombs the quiet streets. You can dance with the devil, you can shuffle. Killing me. Summerland est la pièce coup de vent, un classique des Palmarès, c'est fou. On t'a pu entendre l'extrait Encore loin de toi sur le Palmarès francophone en ce moment. Ah, ça nous amène à apprendre plein de choses, voici c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et comme aujourd'hui, Stéphanie n'est pas là, et en plus, j'ai pas de chroniqueur, et en plus, les sites de faits ont l'air de pas vouloir tout marcher en ce moment. Fait qu'on va faire notre possible pour apprendre des affaires quand même, hein, parce que, tu sais, c'est la semaine de relâche, les gens font rien, mais on apprend quand même, c'est de même. Donc, la première femme américaine à être allée à l'école médicale a été admise en blague. Les étudiants de l'école Geneva Medical School croyaient que c'est une blague quand Elizabeth Blackwell a appliqué pour se présenter à l'école à ses cours en 1847. Donc, ils ont décidé de l'accepter étant donné que c'est une blague. Elle a gradué en 1849. Elle a démarré sa propre pratique médicale. Elle a ouvert une infirmerie pour les pauvres. C'est donc en 1847 qu'Elizabeth Blackwell voulait aller à l'école médicale. À cette époque-là, les femmes n'allaient pas à l'école pour entrer pas en médecine. Voilà. Ensuite, et un par un. Saburo Sakai s'est fait tirer dessus en pleine face pendant la guerre, c'est ça? C'était un pilote d'avion, ouais. Donc, aveugle dans un œil et partiellement paralysé, il a fait voler son bolide à l'envers pour empêcher le sang d'aveugler son autre œil. Il a volé pendant 5 heures, il est revenu à la base, il a rempli son rapport et ensuite il a reçu une chirurgie sans aucune anesthésie. C'est donc Saburo Sakai, un héros japonais. La banque Credit Bank en Italie accepte le fromage parmesan des producteurs locaux en échange de petits prêts entre 3 et 5% d'intérêt dépendant de la qualité du fromage et ensuite un frais qui assure que le fromage va vieillir correctement, donc pendant 2 ans, dans la voûte de la banque. Donc le fromage est ensuite vendu si le prêt n'est pas remboursé. 430 000 roues de parmesan, donc 200 millions de dollars et plus, sont dans la voûte de la banque Credit Bank en Italie. Eh ben. Le brasseur Guinness aidait ses employés qui choisissaient de s'inscrire, en fait, de se battre lors de la Première Guerre mondiale. Ils se faisaient payer la moitié de leur salaire pendant qu'ils n'étaient pas en train de travailler chez Guinness. Et leur emploi était garanti à leur retour, donc c'est sûr qu'ils allaient revoir leur emploi. Le brasseur leur envoyait aussi des petits paquets contenant du chocolat et du lait condensé. Donc Guinness, pendant la Première Guerre mondiale. En 1938, une enseignante, si on peut dire ça comme ça, à la garderie, a été témoin d'un vol. Donc, elle a été mise en prison pendant 5 ans parce qu'elle avait porté une paire de pantalons à la cour le jour où elle était supposée témoigner. Donc, elle avait porté des pantalons et en 1938, ben, c'était inacceptable. Un artiste cubain nommé Alejandro Figueroa Diaz Pereira prévoit passer 3 semaines à l'intérieur des murs d'une galerie d'art de Chicago. Il appelle sa performance « In the absence of a body ». Donc, il va vivre à l'intérieur d'un corridor de 2,5 pieds de large ou 76,2 cm de large. Diaz Pereira va faire les actions les plus essentielles de son quotidien, donc dormir, manger et puis l'hygiène personnelle. Il ne communiquera pas avec personne à l'extérieur de ces murs-là. Il va être capable d'observer le public, mais Diaz Pereira va rester invisible au public. Donc c'est le contraire de ce à quoi on pourrait s'attendre. Normalement, le public aurait pu voir le gars, puis le gars pourrait pas voir dehors, mais c'est le contraire. Lui, il va pouvoir voir le public, et le public ne pourra pas le voir. Jusqu'à la fin de cette démonstration, Diaz Pereira va essayer de devenir... Donc, ce qu'il dit, c'est que... va essayer de devenir un fantôme de lui-même, une absence, un rien du tout. Donc, il va disparaître dans le mur. C'est pour ça qu'il veut pas que les gens le voient. Aussi peut-être parce qu'il triche, mais ça, on le saura peut-être jamais. Donc, c'est Alejandro Figueredo Diaz Pereira. Un chien nommé Bobby... a marché pendant plus de 2500 000, là j'ai pas le convertisseur pour ça, attends un peu, en kilomètres, on va essayer de voir ça, 4023,36 km, donc 4000 km, en Amérique du Nord, pour retourner voir son propriétaire après avoir été accidentellement abandonné. Bobby le Wonder Dog, 1921-1927, était un chien de l'état de l'Oregon qui est devenu célèbre après avoir marché 4105 km. Ben, c'était écrit dans l'article en dessous. Pour revenir à la maison de son propriétaire dans la ville de Silverton, dans l'Oregon. En 1923, pendant qu'on était en voyage de famille dans l'Indiana, Bobby, donc un Scotch Collie English Shepherd de 2 ans, a été séparé de ses propriétaires et a été perdu. On l'a cherché longtemps et la famille avait le cœur brisé. Ils sont retournés à leur maison en Oregon, ne s'attendant pas à revoir leur chien. 6 mois plus tard, Bobby est apparu sur leur pas de porte, tout en mauvaise forme, avec les pieds complètement ébouriffés. Voilà. Et il avait marché donc tout seul, tout le long du chemin. Il a traversé des plaines, des déserts, des montagnes, l'hiver pour retourner à la maison, une moyenne d'environ 14 000 ou 23 km par jour. Après son retour à Silverton, il est devenu une vedette. Il a été le sujet d'un article de journal. Il a aussi fait parler de lui dans Ripley's Believe It or Not, dans les livres et dans un film. Donc c'est Bobby the Wonder Dog. En vol sur British Airways, en voyage vers l'Espagne, un panneau du pare-brise, voilà, qui était incorrectement placé ou installé, est tombé. En fait, est-ce qu'il est tombé ou en tout cas, il a arrêté de... J'imagine qu'il s'est décroché un peu. Donc, les hôtesses de l'air ont eu beaucoup froid. Mettons qu'ils ont eu du frostbite, comme on l'appelle, des engelures et d'autres blessures. Donc, ils sont... Bref, ils ont réussi à faire atterrir l'avion en prenant les jambes du pilote de l'avion. Il y a personne qui a perdu sa vie, bref, c'est ce que ça veut dire. Donc, ils ont pensé à lâcher le pilote, mais à la place, le copilote a refusé. Il a tenu, malgré les températures vraiment gelées, le danger extrême de cet avion-là. Ils ont réussi à tenir le pilote pour réussir à le faire atterrir correctement. Voilà. Tout le monde est retourné au travail quelques semaines plus tard. Ensuite, une brique de bloc Lego, bref. Un bloc Lego peut soutenir 950 livres de poids avant de casser. 950 livres. Bon. En 1968, deux garçons jouaient dans un endroit infesté de rats. Ils ont trouvé le corps d'un homme de 31 ans, un accro à la drogue, entouré de textes religieux et de bouteilles de bière vides. Seulement 19 mois plus tard, est-ce qu'on a appris que le corps appartenait à un acteur enfant, Bobby Driscoll, gagnant d'Oscar et la voix de Peter Pan en 1953. Donc, c'est en 1968 qu'on l'a découvert, Bobby Driscoll. Il y a un homme chinois qui n'a pas de jambes, il s'appelle Ma Sangxiao, qui a planté plus de 3000 arbres en 10 ans. Oui, donc Max Sangxiao, 62 ans, vétéran à la retraite, qui a perdu ses deux jambes. Ça n'a pas empêché de planter plus de 3000 arbres dans les montagnes du comté de Jingxing, dans la province de Hebei, depuis les 10 dernières années. Ma se lève avant 5h du matin, met ses prothèses et puis grimpe dans les montagnes pour planter des arbres. Ça prend à Ma plus de 40 minutes pour grimper les centaines de mètres de la montagne. Ma dit qu'après la première amputation, il était en mauvaise forme, et donc il a vendu tout ce qu'il avait de valeur à la maison. Et il s'est endetté. Et ensuite, il a commencé à planter des arbres dans les montagnes, espérant se faire de l'argent en vendant ces arbres-là. Plus tard, sa situation s'est améliorée. Les pensions pour les vétérans à la retraite ont augmenté. Donc, Ma a décidé de ne jamais vendre les arbres, de les laisser améliorer l'environnement écologique. Il plante des arbres pour rendre les montagnes plus vertes. C'est bien, hein? Gordon Ramsay a quitté un de ses premiers emplois alors qu'il était aspirant chef. Parce qu'il est tanné de la rage, de l'intimidation et de la violence du chef principal, le grand chef. Évidemment, on sait tous que maintenant, c'est lui qui est un petit peu méchant avec ses employés. Il a travaillé pour Marco Pierre White chez Harvey's. Après avoir travaillé chez Harvey's pendant 2 ans et 10 mois, Ramsay était tanné de tout ça et a décidé de démissionner. Alors, on a parlé dans une précédente chronique au début de l'émission, on parlait dans son foutu palmarès de Phil Hartman. Philip Edward Phil Hartman, on se souvient de lui pour le rôle de... Ah, c'est Troy McClure. J'ai dit Lionel Hutz, je pense qu'il jouait aussi ce rôle-là. Oui, il jouait ce rôle-là, c'est confirmé. Et Troy McClure, il était supposé être la voix de Zab Brannigan dans Futurama. Il a été tué par sa femme, si vous n'avez pas encore lu sa page Wikipédia, avant que l'enregistrement débute. Et donc, ils ont nommé le personnage principal, Philip J. Fry, en honneur de Phil Hartman. C'est pour ce Phil et Phil. Tragiquement, il est décédé le 28 mai 1998, quelques semaines à peine après l'audition. Le rôle de Zab a été donné à Billy West, celui qui jouait le M&M rouge dans la chronique de son petit palmarès de tantôt. Donc, la voix de Zap a été modelée dans le style de Phil Hartman parce que c'était supposé être lui qui le joue. Voilà. Ensuite, en 1982, un homme nommé Larry Walters a attaché 45 ballons météo à une chaise de patio. Il a pris un fusil, un petit fusil à palette pour tirer sur les ballons pour descendre. Et à la place de monter 100 pieds dans les airs, pardon, comme était supposé, il est monté à 16 000 pieds dans les airs. Larry Walters de Los Angeles, qui est un des seuls, qui aurait pu gagner un Darwin Award, mais qui n'ont survécu pour pouvoir raconter son histoire. Quand ses amis ont coupé le cordon qui attachait la chaise de patio à son Jeep, et il n'a pas flotté jusqu'à 30 pieds dans les airs ou 9 mètres, à la place, il est monté dans le ciel de Los Angeles comme s'il avait été tiré d'un canon. Il est arrêté à 16 000 pieds environ, 4 876 mètres. À cette hauteur-là, il ne pouvait pas prendre le risque de tirer sur ses ballons, donc il est resté là dans le froid, bien sûr. Il avait peur. Avec sa bière et ses sandwichs en main, pendant plus de 14 heures, il a traversé le corridor de l'aéroport de Los Angeles, LAX, Et puis, évidemment, bon, il a fait peur à Transworld Airlines et aux pilotes de Delta Airlines qui ont, par système de communication, dit ça à la tour de contrôle. Éventuellement, il a réussi à tirer sur quelques ballons et très lentement, il a réussi à descendre. Larry a été arrêté. Ses efforts lui ont gagné, lui ont fait perdre, en fait, 1 500 $ de contravention. Un prix de la part du Bonehead Club of Dallas, le club des idiots, si on veut, de Dallas. Et un Darwin Award pour survivant à risque futur. At risk survivor. Il y a une place au Royaume-Uni où on stocke les vieilles cabines téléphoniques rouges. Vous connaissez du Royaume-Uni, sont très populaires. On les voit partout dans les films, à la télé, ou encore si vous êtes allé là-bas en personne. Mais il y a une place, un cimetière si on veut, pour les laisser quand elles sont plus aussi voulues. Donc c'est dans le petit village de Carlton Miniot, au nord de l'Angleterre. Vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequis.com. Elles sont en effet en très mauvais état. Une agence publicitaire de New York a essayé de faire, de faire le marketing pour un détergent à lessive aux consommateurs arabes en utilisant des photos de vêtements en train d'être nettoyés. Par contre, ce qu'on n'avait pas réalisé, c'est que l'arabe était élu encore aujourd'hui de la droite à la gauche. Donc, leur publicité visuelle montrait le détergent en train de souiller des vêtements après les avoir lavés. C'est à l'envers, comme cocasse. Vous connaissez Weird Al Yankovic, on en parle une fois de temps en temps à Assemblage Requis. Il a demandé la permission à Prince de parodier ses chansons à plusieurs occasions et on l'a toujours refusé. Lorsque les deux ont été mis dans la même rangée lors d'une remise de prix, Weird Al a reçu un télégramme des avocats de Prince lui demandant de ne pas faire de contact visuel avec lui. « Ne me regarde pas, je suis meilleur que toi », disait Prince. Le boxeur Muhammad Ali a déjà aidé à empêcher un garçon, un jeune homme de 21 ans, de se suicider en sautant en bas d'une bâtisse à Los Angeles. Muhammad Ali qui a dit au jeune garçon « Tu es mon frère, je t'aime et je ne te mentirai pas ». Vous vous souvenez d'un paquet d'autres affaires qu'on a dit de Muhammad Ali à travers le temps dans cette émission-ci, parce que c'est une bonne personne, ça. Donc, c'est ça, les gens criaient. Ça, c'est quand même un peu méchant, là. Pas mal même méchant, les gens par terre criait au gars de se lancer en bas. Et c'est Muhammad Ali qui l'a convaincu de ne pas le faire. Sérieux, les gens en bas qui criaient « Ouais, tue-toi, ça. » C'est n'importe quoi. Ensuite, la première pizzeria aux États-Unis. La première pizzeria aux États-Unis, oui, qui a ouvert en 1905 et elle fonctionne toujours aujourd'hui. On a même offert des pizzas à 5 cents pour le 100e anniversaire. Miam! Ensuite, la guitare, les gens qui jouent de la guitare dans le dessin animé Metalocalypse, peut-être avez-vous vu cette émission où ça montre des gars dans un band de rock. Donc la guitare dans l'émission Metalocalypse est animée à 100% de précision. Ce que les personnages animés dans l'émission jouent correspond aux notes qu'ils jouent. Brendan Small, le co-créateur, est fier de ça. Il a même inclus une leçon de guitare avancée comme extra sur le DVD. Sur un des DVD de Metalocalypse. Si vous me donnez quelques secondes, je vais essayer de trouver quelque chose pour vous. Si je suis capable, je penserais pas réussir à le trouver. D'après moi. Là. Celui-ci. Oui, je l'ai. Oh yeah! Parfait, je suis. Désolé. Je continue avec quelques autres faits avant de passer à un support auditif. Un support auditif. Pendant la guerre de Corée, les soldats américains donnaient le nom de code Tootsie Rose à leurs munitions 60 mm. Lors d'une certaine occasion, on leur a accidentellement envoyé des boîtes de bonbons Tootsie Rose après qu'ils aient demandé plus de munitions en demandant on aimerait des Tootsie Rose. Ils ont reçu des Tootsie Rose, des bonbons. Genre de moyennement mou là, au chocolat qui font mal aux dents pour ceux qui ont des problèmes dedans. Donc les soldats américains en Corée ont découvert ces Tootsie Rolls là. Et on a appris aussi c'est la seule nourriture qui pouvait faire dégeler à des températures de moins 30 degrés sous zéro, moins 30 degrés Fahrenheit en 1950. On a appris ça comme ça. Et ben. James Chadwick qui voulait étudier les mathématiques à l'université de Manchester, mais c'est mis dans la ligne d'attente, la file d'attente de la physique à la place des mathématiques. Il a plus tard mérité un prix Nobel en physique pour avoir découvert le neutron. Donc James Chadwick, 1891 à 1974. Était le meilleur étudiant en sciences et en mathématiques en ville. Il a gagné plusieurs bourses de l'Université de Manchester. Il voulait étudier donc les mathématiques, mais il s'est mis dans la file d'attente de la physique à la place en 1908. Il était trop gêné pour expliquer qu'il avait fait une erreur et donc resté où il était. Donc la carrière des physiciens les plus distingués a débuté par accident. Il a plus tard rencontré et commencé à travailler avec Ernest Rutherford, intrigué par les trucs de particules subatomiques. Donc Chadwick a débuté une série d'expériences pour démontrer l'existence de ces particules subatomiques sans charge. La découverte du neutron lui a mérité le prix Nobel de physique en 1935. Un chat de compagnie nommé Ming vivait une vie secrète, une vie double secrète avec deux familles du coin. Pendant presque une décennie, son autre famille l'avait nommé Cléo, donc il s'appelait Cléo d'un bord et Ming de l'autre. Deux familles différentes qui se battaient pour un chat siamois. Qui apparemment vivait deux vies en même temps pendant plus d'une décennie. Ming appartenait aux Alexanders, mais il commençait à arriver à la maison très tard. N'aimait pas le souper qu'on lui servait. Des fois, il restait dans l'autre famille toute la nuit. C'est qu'il vivait donc une double vie sous le pseudonyme de Cléo. Lorsque Ming a disparu pour de bon, les Alexanders sont partis à sa recherche, ont découvert la trahison. Et maintenant, sa nouvelle famille dit que Cléo fait partie de leur vie et qu'ils ne peuvent pas juste l'abandonner. Mais les Alexanders disent que le chat était à eux en premier. Et ils travaillent maintenant pour essayer de le partager. De se le partager. Vous connaissez peut-être John Kricfalusi. C'est celui qui fait le dessin animé Ren and Stimpy. On lui a demandé si Ren and Stimpy était gay. Et sa réponse à John Kricfalusi, c'est je sais pas s'ils sont gays ou pas. Et de toute façon, c'est de leurs affaires. Excellente, excellente réponse. Méchant bon comeback. Vous connaissez sûrement... tiens, on va écouter l'extrait en premier. C'est ce que je cherchais tantôt. On va écouter ça. Ben, évidemment, fenêtre. Hey, fenêtre, tasse-toi. OK, ça ici. Vous connaissez peut-être ça. C'est les escaliers sans fin dans Super Mario 64. Vous reconnaissez donc le fait qu'on grimpe les escaliers, c'est des escaliers sans fin. Donc la chanson a l'air de tout le temps recommencer, de tout le temps être de plus en plus aiguë. C'est ce qu'on appelle un shepherd tone. Donc c'est un son qui donne l'illusion d'être constamment en ascension ou en... ce qu'on peut dire descension, sûrement pas, mais en pitch. Donc ça a été utilisé dans la trame sonore de Mario 64 pour déranger un peu les gens. Si je l'arrête comme ça et qu'on écoute un autre extrait de du Shepherd Tone juste pour le plaisir, et c'est pendant 10 heures sur YouTube, ça c'est... Et ça a toujours l'air d'être de plus en plus grave. Et si vous allez sur le lien sur assemblagerequis.com, vous allez voir aussi dans la vidéo... C'est du fractal, donc une image bizarre qui ressemble à un genre de... Comment appeler ça? Non. Mais bref, ça a l'air d'être tout le temps en mouvement. Mais en tant que tel, c'est tout le temps le même bout l'image. Ça fait juste bouger. C'est vraiment, vraiment épeurant, je trouve. Le Shepherd Stone. Wow. Donc, tous les liens pour la chronique, c'est un fait sur assemblagerequis.com. Moi, ça me dérange pas mal, tout ça. On va prendre une pause, je pense qu'on est dû pour ça. Au retour, plus de C'est un fait. Et il nous reste à peu près une heure d'émission, fait que je garantis qu'il reste pas mal de contenu à Assemblage Requis. Restez là. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Wow! Toujours à Assemblage Requis, ben non, c'est pas vrai, c'est pas ça notre intro, c'est ça notre intro. «

Belle and Sebastian avec Nobody's Empire à Assemblage Rookie. Maintenant, on continue notre marathon de choses que ça me dérange pas de faire tout seul sans les interventions de Steph. Voici son foutu palmarès. Palmarès, c'est encore une fois la chronique. On établit une liste sur un sujet précis. Et cette fois-ci, c'est une liste d'émissions pilotes qui ne sont jamais devenues de vraies émissions de télé. Mais on parle de séries qui auraient dû être des séries dérivées à la base. Donc, une fois de temps en temps, ça peut vous arriver de regarder votre série préférée. Hein, vous allez trouver à la place de votre série préférée des personnages que vous connaissez pas, des personnages peut-être pas reconnaissables du tout, avec peut-être un ou deux personnages de votre série à l'intérieur. Mais ça focus sur des personnages étrangers ou qui ont seulement un lien très très louche, très très éloigné aux personnages établis. Ils passent l'épisode au complet à parler de leurs propres affaires, de leurs propres relations, de leurs propres problèmes, et tout ça dans un nouvel environnement. C'est comme une émission de télé différente parce qu'en fait, c'est supposé en être une. Donc les hommes et les femmes derrière vos émissions préférées vont essayer de mettre un pilote, un pilote de facto, si on veut de facto, dans une émission connue. Pour tester ça devant un public garanti. Donc on appelle ça des backdoor pilots. Certains vont créer des séries complètes, par exemple Mork and Mindy avec, avec Robin Williams, qui était un épisode à l'origine de la saison 5 de Happy Days. Maude, une sitcom qui est sortie de la saison 2 de All in the Family, dont on a parlé dans une précédente chronique de son foutu palmarès. Mais la plupart restent complètement des épisodes bizarres qui clashent un peu avec le reste de la série autour et qui se retrouvent sur le DVD quand même. Puis là, c'est comme, il me semble que c'était bizarre tout ça. Donc, on va faire une liste de backdoor pilots de façon regrettable, ne sont jamais devenus des émissions complètes. On commence avec The Brady Bunch. Il y a eu des films sur The Brady Bunch, dont vous connaissez probablement la série d'origine, qui aurait dû avoir ou aurait pu avoir Kelly's Kids. Donc, c'est un exemple préféré des historiens de la télévision. C'était dans la saison 5 de la sitcom à succès The Brady Bunch. Le méga producteur Sherwood Schwartz a repris... Donc, il voulait développer une émission qui célébrait la diversité raciale. Donc, il a présenté les Bradys à Ken et Kathy Kelly, un couple marié américain blanc, et les nouveaux parents d'adoption de trois nouveaux garçons, un blanc, un noir et un asiatique. Malgré l'influence de Schwartz sur les publics de la télé à l'époque, Kelly's Kids n'a pas été finalement sa propre émission. Ça a été seulement un pilote dans l'émission. De Brady Bunch. Ensuite, The Nanny, une nounou d'enfer qui a mené vers The Chatterbox. Donc, The Nanny, dans sa deuxième saison, ça s'est éloigné de la maison des Sheffield presque entièrement pour focusser sur les membres de l'équipe d'un salon de beauté local nommé The Chatterbox. C'était aussi le nom de l'épisode. Donc, ça ressemblait pas mal à The Nanny, avec une romance promise entre une femme et son employeur un peu strict, voilà, et père célibataire. Ensuite, vous connaissez certainement Gilmore Girls, qui aurait pu mener vers Windward Circle, en plein milieu de la relation de la relation la plus controversée de Rory Gilmore. Gilmore Girls est allé suivre, donc, et a quitté Stars Hollow au Connecticut pour aller dans le sud de la Californie, voilà. Donc, l'épisode de la saison 3, Here Comes the Sun, mais Sun comme un fils, unissait Jess Mariano avec son père, rebelle, et sa mère hippie. Pas sa mère, mais la femme hippie de son père rebelle, dans une expérience nommée Windward Circle de WB, espérait que cette dramédie familiale allait ressembler à Gilmore Girls et allait donner le même genre de cote d'écoute. Mais Jess n'était pas un des personnages préférés de Gilmore Girls, en tout cas pour les fans, donc son spin-off n'a jamais eu lieu. Ensuite, toujours sur The WB, c'était Smallville qui aurait pu mener vers Mercy Reef. Un petit moment plus tard, The WB a essayé encore une fois la même manœuvre avec Smallville en présentant le personnage Aquaman, très connu de DC Comics, dans un épisode de la saison 5 Aqua. Ça a piqué l'intérêt envers le personnage. Donc ils espéraient que ça allait créer, oui, que ça allait piquer l'intérêt envers le personnage. Ils ont refait le casting de Aquaman. Ils ont remplacé Alan Ritchson par Justin Hartley pendant le développement de la série Mercy Reef. Mais sans surprise, ça a mené à rien. Donc Smallville a revisité le personnage de Aquaman plus tard dans la série Smallville à la place dans les saisons subséquentes. The Incredible Hulk aurait pu mener vers deux émissions de Marvel Comics. Smallville n'était pas la première série de super-héros à essayer de fouiller dans les bandes dessinées pour trouver d'autres séries dérivées. La série The Incredible Hulk, mettant en vedette Bill Bixby et Lou Ferrigno, a essayé de mener vers Thor et Daredevil à la fin des années 80. Ils ont essayé ces deux personnages-là dans les films pour la télé The Incredible Hulk Returns et The Trial of the Incredible Hulk, mais aucun des deux héros ont mené vers leur propre série. Mais évidemment, plus tard, il y a eu des films avec ça. Tu m'en fais bien, ouais. Daredevil, il y en a eu un, ça je sais. Thor aussi, oui, exact. Ensuite, Gossip Girl aurait pu mener vers Valley Girls. Plus tard, à la fin de la deuxième saison, Gossip Girl est retournée dans les années 80 pour un épisode self-contained, qu'on appelle. Donc, c'est un épisode qu'on peut écouter juste cet épisode-là et comprendre l'histoire. Il n'y a pas de suite par rapport aux épisodes précédents ou subséquents. Donc, qui parlait d'une jeune Lily, jouée dans les flashbacks par Brittany Snow, l'excellente Brittany Snow, et ses mésaventures à Los Angeles avec sa sœur, jouée par Kirsten Ritter. L'épisode a été reçu de façon positive, mais The CW a opté de ne pas ramener Valley Girls en tant que sa propre série, malgré une annonce de la série Valley Girls avant même que l'épisode de Gossip Girls soit diffusé. Eh ben, donc Gossip Girls. Girls? Girl, au singulier. Ensuite, The Office aurait pu mener vers The Farm. La finale de la série The Office était à quelques semaines de distance par rapport à la date où on a parlé de cette série-là. Donc, on était à quelques semaines de la fin de The Office. NBC ne voulait toujours pas abandonner le format sitcom en documentaire, donc un faux documentaire, donc un mockumentary. Le réseau a demandé à Paul Eberstein, qui à ce moment-là était le showrunner, qu'on appelle en anglais, celui qui gérait la série The Office, devait développer donc un pilote test pour le personnage populaire de Rainn Wilson nommé Dwight Schrute. Dans un épisode de la saison 9, The Farm, on voyait la vie de Dwight à l'extérieur de Dunder Mifflin, la compagnie de papier de The Office. On voyait aussi son frère là-dedans et sa sœur relativement normale. On amenait aussi une nouvelle fille, une jeune fermière qui allait devenir peut-être un amour potentiel pour Dwight. Voilà. Je vole pas les punchs de The Office qui sont dans l'article. Je vous sauve de ça. Ensuite, The Cosby Show aurait pu mener vers Tony Harlando à la fin de la saison 1, l'épisode Mr. Quiet. Donc, The Cosby Show montrait les Huxtables à l'arrière-plan. À la place, on voyait surtout l'artiste invité Tony Orlando et les membres de son équipe. On les voyait même dans le générique de fin. C'était eux qu'on voyait complètement à la fin. Comme si le message n'était pas assez subtil. C'était lui la vedette de cet épisode-là. Ensuite, Charmed aurait pu mener vers Mermaid. Les producteurs de Charmed insistent que l'épisode de la saison 5, A Witch's Tale, n'était pas supposé être un backdoor pilot à l'origine, mais ça a quand même mené vers l'essai de faire une série sur une sirène nommée Miley dans l'épisode et ensuite Nikki plus tard dans le développement de la série en tant que telle, qui existait parmi les mortels et qui avait à se battre contre les forces surnaturelles un peu comme les sœurs de Charmed. Ensuite, Charles in Charge aurait pu avoir plusieurs séries dérivées. C'est une sitcom avec Scott Baio, avec une chanson thème super accrocheuse et qui a passé presque toute sa dernière saison à essayer de lancer des séries pour ses membres de la distribution. Donc c'était très bizarre, les acteurs devaient jouer des personnes identiquement, c'est comme des membres de la famille, mais identiques par rapport à leur personnage établi. C'est vraiment spécial, mais dans le 19e épisode de la saison 5, Lost Resort, la vedette de Charles in Charge, Willie Ames, jouait un hôtelier à Hawaï et le cousin très très ressemblant de son personnage normal, Bobby. Ensuite, 4 épisodes plus tard, dans Almost Family, Ellen Travolta, qui jouait dans cette série-là, jouait sa propre sœur jumelle, Sally, qui était propriétaire d'un lave-auto. Et finalement, dans l'avant-dernier épisode de la série, dans Fair Exchange, Nicole Eggert, une autre des vedettes, jouait sa cousine identique qui vivait au Nouveau-Mexique avec sa famille et un étudiant d'échange scolaire. Pour vrai, parce que tu sais, ils pouvaient pas prendre juste les personnages en tant que tels et les faire déménager ailleurs parce que là, la série n'était pas encore finie, il fallait qu'ils puissent continuer dans cette série-là. Donc, ils jouaient un épisode exactement un personnage exactement pareil. C'est la façon la plus originale que j'ai jamais vue d'essayer de lancer une nouvelle série. Ensuite, The Facts of Life. Alors, j'ai abandonné depuis tantôt mon concept d'aller chercher les titres en français de tout. Là. J'aurais aimé continuer. The Facts of Life. Ah, oh, c'est tellement français! The Facts of Life, en français, c'est drôle de vie. Tu sais, comment être le plus générique possible? Parce que c'est toujours drôle de famille, drôle de policier, drôle de... T'sais. Mais drôle de vie, là, c'est la chose la plus générique. Ça pourrait s'appliquer à n'importe quelle série. J'adore ça. Donc, The Facts of Life, qui a essayé trois fois de lancer une série avec de nouveaux personnages. Dans la finale de la saison 2, Brian and Sylvia. Donc, ça parle de la tante et de l'oncle de Tutti. Donc, c'était un couple interracial dans la finale de la saison 2. Ensuite, l'épisode de la saison 3 d'Academy, qui parle d'une école avec seulement des garçons. Et un épisode de la saison 3, Joe's Cousin, qui jetait des projecteurs vers la seule fille de 14 ans. La seule fille. D'accord, qui se donne à avoir 14 ans, dans une famille d'hommes du New Jersey. Joe's Cousin. Et le lien par rapport à The Facts of Life est seulement le fait que c'était la cousine de Joe. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est la cousine de Joe. Ensuite, on continue, on est toujours dans la liste de 15 backdoor pilots, donc des pilotes intégrés à une sitcom. Quand vous vous demandez, mais comment ça se fait que c'est pas les personnages que je suis habitué de voir, ben c'est parce que c'est un lancement... un essai de lancement d'une série dérivée. Donc, dans Sabrina l'apprentie sorcière, Sabrina the Teenage Witch, on aurait pu lancer Witchwright Hall. Pardon. C'est un exemple un petit peu plus organique, avec un personnage qui était déjà de toute façon récurrent, un personnage qu'on voyait souvent dans la série, la cousine de Sabrina, Amanda, jouée sporadiquement dans la série par Emily Hart, la vraie sœur de Melissa Joan Hart. Donc, les fans n'avaient pas entendu ou vu Amanda depuis plus d'un an. Elle a refait surface dans la saison 5, au centre de son propre épisode, Witchwright Hall. La prémisse de l'épisode et l'émission qui était supposée dériver, finalement, c'était l'expérience d'Amanda dans une école privée pour les sorcières maladroites ou mal ajustées. Sabrina jouait cet épisode-là aussi. C'était la première visite d'Amanda à l'académie. C'est aussi un véhicule pour présenter au public de nouveaux personnages comme le professeur James Hexton, joué par Charles Shaughnessy, qu'on connaissait déjà dans cette série-là et qu'on connaît aussi pour Une Nounou d'Enfer, dont j'ai parlé tantôt. Et un chien parlant nommé Phil, voix de Blake Clark. Il s'est rien passé avec Witchwright Hall, mais Hart et Clark ont repris leur rôle dans les épisodes subséquents. Ensuite, Magnum P.I. aurait pu mener vers J. Digger Doyle. Qui est maintenant Aaron Gray est connu pour son rôle dans Silver Spoons, mais il a presque été la vedette de sa propre série d'action et de crime grâce au premier à l'épisode de la saison 1 de Magnum P.I. Nommé en l'honneur de son personnage J. Digger Doyle, donc qui présentait Gray comme dans le rôle d'un expert en sécurité qui doit assister Magnum dans la prévention d'un assassinat sur un personnage qu'on ne voit pas dans la série, mais Robin Masters, la voix de Orson Welles. Il nous en reste deux de ces backdoor pilots. Star Trek, la série d'origine, The Original Series, et Terry Garr, dans les épisodes de la première saison de Star Trek, The Original Series, dédié aux aventures de super espions. De super espions, oui. Joué par Robert Lansing et Terry Garr. Donc, on disait qu'il y avait d'autres aventures qui s'en venaient pour ces deux personnages invités-là. Bref. Ça a été, oui, c'est une phrase que M. Spock regrettait. Leonard Nimoy disait dans les derniers moments de l'épisode, il disait « Ah, tout plein d'autres aventures s'en viennent pour eux! » Cette proclamation devait mener vers un spin-off et ça n'a pas eu lieu finalement. C'est ça, ils n'ont pas réussi à faire ça. C'est ça, c'est tout. Et finalement, Doctor Who et le Dalek Space Opera. Les 797 épisodes diffusés dans la série Doctor Who, plus de 26 saisons entre 1963 et 1989, et 9 serials depuis 2005, sans mentionner un film pour la télé en 1996, seulement un n'avait pas le docteur et son compagnon du moment, sa compagnonne du moment. L'épisode est Mission to the Unknown, qui a été diffusé dans la troisième saison de l'incarnation originale. À la place d'avoir les mésaventures du docteur, l'épisode montrait plutôt le conflit entre la planète Terre et une race d'extraterrestres impérialistes nommée les Daleks. Les personnages, étaient complètement différents. Des conquistadors Daleks et une variété d'espèces extraterrestres. On espérait que le public allait aimer ces aventures interplanétaires. C'était un opéra dans l'espace. Mais à l'ultime, les Daleks sont restés dans Doctor Who à la place. Voilà, et c'était une liste compliquée. Moi, je trouve ça super intéressant, mais quand même compliqué à lire, de spin-off de séries dérivées potentielles qui n'ont jamais eu lieu pour 15 émissions. La plupart bien connues, certaines un petit peu plus obscures pour vous peut-être. Et tant qu'à être dans son foutu palmarès, c'est d'avoir tout le temps du monde. Allons-y avec la célébration du 10e anniversaire de YouTube. Vous avez sûrement remarqué sur YouTube, en tout cas partagé sur les réseaux sociaux, une petite vidéo de compilation des vidéos les plus connues de YouTube à travers le temps. À la place de faire ça, on va regarder un petit peu à travers l'histoire, les vidéos les plus populaires de YouTube. On va arrêter vers la fin parce que vous allez voir ce que ça devient comme liste. Mais on va commencer par le début qui est, je trouve, intéressant. Ça débutait donc un lundi, tout ce qui est plus anodin. En février 2005, le site YouTube a été lancé. À ce moment-là, les fondateurs Chad Hurley, Steve Chad et Jawed Karim voulaient trouver une façon, inventer en fait une façon plus facile de partager des vidéos entre eux et leurs amis. Mais YouTube est devenu donc le site de partage vidéo le plus connu d'Internet. Et en honneur de son 10e anniversaire, oui, YouTube a été lancé à la Saint-Valentin. En 2005. Voici une courte liste des vidéos YouTube les plus populaires de chaque année. Commençons avec Touch of Gold par Nike en 2005. On va la décrire en même temps. On va écouter ça tous ensemble. Moi, j'ai jamais vu ça. Publicité de Ronaldinho. Donc, on voit Ronaldinho, j'imagine, par terre. On dirait qu'il est en train de s'étirer les jambes. Quelqu'un ouvre une valise, lui montre une paire de souliers avec du blanc et de l'or. Je sais pas s'ils sont blancs et dorés ou bleus et noirs. T'allais entendre parler de ça, t'sais. Donc il est en train d'essayer le soulier. C'est un peu long, hein? Il essaie le soulier. C'est 2 minutes 45, mais non. Ok, là, on va avancer plus loin que ça. Ouais, en train de mettre les souliers, en train de les attacher. Il fait rebondir un ballon sur son pied. Il fait rebondir beaucoup le ballon. Et à un moment donné, j'imagine, il va lancer complètement le ballon. Il va faire un but, tout ce qu'il y a de plus extraordinaire, j'imagine, c'est ça? Mais c'est la chose la plus plate au monde. Mais c'est la chose la plus plate au monde. Touch of Gold par Nike en 2005. Et le slogan NikeFootball.com. Ok, ben peut-être qu'il faut le regarder au complet le 2 minutes 45, mais moi j'ai pas vu qu'il se passait grand-chose là-dedans. Donc c'est ça. La plupart des succès d'origine de YouTube ont été enlevés de YouTube et ensuite réuploadés, retéléversés. Donc c'est difficile de savoir lesquels dans chaque année étaient les plus populaires, mais cette vidéo-là, à l'origine téléversée en 2005, est une bonne mise pour vous. Publicité pour Nike avec la populaire vedette de soccer Ronaldinho. A été la première vidéo YouTube à passer les 1 million de views, de visionnement. Ensuite, le classique Evolution of Dance par Judson Lapley en 2006, un favori de tout le monde dans le domaine des vidéos virales. C'est l'humoriste stand-up Judson Lapley, son Evolution of Time, qui est atterri en 2006. C'est devenu la vidéo la plus populaire du moment à ce moment-là. Plus de 70 millions de visionnements en seulement 8 mois. C'est resté longtemps dans les plus populaires, même si maintenant elle n'est plus dans le top 30. C'est quand même un favori de tout le monde. Lapley a fait un suivi de ça en sortant une suite en 2009. Il promet qu'une troisième vidéo s'en vient. Je pense que j'ai pas besoin de vous la décrire tant que ça. Mais c'est Judson Lapley, L-A-I-P-P-L-Y, qui fait chacune des danses les plus connues, que ce soit Elvis, Michael Jackson ou autre. En faisant des transitions extraordinaires entre chaque. Voilà, ensuite on y va avec Charlie Bit My Finger Again par Harry et Charlie Davies Carr en 2007. Donc c'est le seul non-vidéoclip, vous allez voir pourquoi je parle de vidéoclip, mais le seul non-vidéoclip à entrer dans le top 10 de tous les temps. C'est une vidéo de 56 secondes, donc où quelqu'un se fait mordre le doigt. Hein? La vidéo était numéro 1 sur le site pendant un bon moment. À l'origine postée le 22 mai 2007, la vidéo n'a pas pris le sommet de la liste avant 2 ans plus tard. Elle a poussé Evolution of Dance de son chemin en octobre 2009. La vidéo est toujours la numéro 5 de tous les temps sur le site et la chaîne qui héberge cette vidéo-là a 300 000 inscriptions. Écoutons donc Charlie Bit My Finger Again. Charlie. Charlie bit me. Ça, je comprends pas le numéro 5 de tous les temps. T'sais. C'est tellement genre drôle de vidéo-esque. Genre, ça a aucun intérêt. Mais tu sais, en même temps, pour moi, les vidéos virales ont rarement grand intérêt. Ça fait un petit peu fardant de dire ça, mais je trouve ça tellement plat. Ok. Ensuite, An Experiment en 2008. Ces extraterrestres arrivaient sur Terre et voulaient comprendre les vidéos virales. C'est le clip à leur montrer, nous dit Mental Floss. Une vidéo de 24 secondes qui a l'air d'être une expérience entre Coke et Mentos a reçu plus de 274 millions de visionnements et est dans le top 150 des vidéos de tous les temps. Par comparaison, Katy Perry, qu'on va mentionner tantôt, a sorti Hot and Cold en 2008, qui a réussi à seulement avoir 222 millions de vues. Donc on écoute un experiment. Donc on voit une jeune femme très excitée ouvrir une bouteille de liqueur, mettre ses mentons dedans. Attention à la surprise. La surprise s'en vient. Elle rebouche la bouteille. Ça se met à péter partout. Elle la reprend dans sa bouteille. Crie comme une punk. Et c'est tout. Ah, il n'y a pas de... Pas plus de surprise que ça. Ça me perd, celle-là. Le reste du top est vraiment plate. Ben, comme si le reste du top était pas plate. Là, pour moi, c'est tout plate. Là. En cinquième place, c'est Bad Romance de Lady Gaga en 2009. En sixième, Baby de Justin Bieber en 2010. En septième, Party Rock Anthem de MFAO, Tuez-moi quelqu'un, en 2011. En huitième, Gangnam Style par Psy en 2012. En neuvième, Roar par Katy Perry. Alors, c'est pas un palmarès, donc je sais pas pourquoi j'ai des positions, mais on y va par année. Roar par Katy Perry en 2013 et finalement Dark Horse par Katy Perry featuring Juicy J en 2014. Moi, si j'avais été le site qui a fait cette liste-là, j'aurais enlevé les vidéoclips de la liste parce que pour moi, Vivo, tellement qu'ils mettent leur logo en gros sur l'affaire puis qu'ils ont leur propre application, à mon avis, les vidéos Vivo, c'est les vidéos Vivo, puis les vidéos YouTube, c'est les vidéos YouTube. Mais ça, c'est moi qui puriste un petit peu sur les vidéos de YouTube. Ah, les vidéos virales, hein? Tout ce qui est viral, en fait, me tape pas mal sur les nerfs en ce moment. Voilà pour la liste des 10e anniversaire de YouTube, finalement les vidéos les plus populaires par année. La liste sur assemblagerequis.com. On va continuer encore en musique un peu. On sépare chacune des chroniques quand on parle de la musique. C'est ce qu'on fait en radio, je te dirais. C'est un nouveau concept qu'on essaye. Assez fou. On s'en va entendre une pièce du palmarès francophone que tout le monde adore en ce moment. C'est Amor Blitz. Oui, Kilimanjaro débute à l'instant sur le 89.1 FM. Puis restez parce que tantôt, il va y avoir plus de C'est un fait. Ah oui, ah oui. Mais ça parle de ça. Kilimanjaro, Kilimanjaro. Amor Blitz et Kilimanjaro à Assemblage Requis. Au retour, une deuxième partie de cet fait. À Assemblage Requis jusqu'à 9h30. Restez avec nous. En marge. C'est fou, 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Écoutez Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est lundi 2 mars 2015. Stéphanie Paradis va être de retour demain. Moi, c'est Mathieu Plante. Alors, cette dernière demi-heure, c'est un fait, ça en vient. Mais comme on a le temps, encore un petit peu de musique. C'est le fun. On écoute Cairo. Voici A History of Reasons. Au 89 FM. Reasons will make me stop at the color of your skin or the color of my eyes when you're looking at him. Do it again, I do it again, I do it again. When it's you and I, I'm unpacking and you're leaving on another red eye goodbye. Yeah. History of Reasons à Assemblage Requis. Ça nous ramène à une deuxième partie de cet effet. Hop, ouais, j'ai parti deux fois, mais je repartre encore. Ok, lève-la. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet, bien sûr. Toutes les sources sur assemblagerequis.com, mais pas mal des sources fiables d'habitude. En 2007, un soldat de l'armée britannique nommé Derek Derenalagi a été déclaré mort après avoir été pris dans une explosion en Afghanistan. Quand son corps a été ramené sur le bord de la rive, bref, à cause de l'eau, bref, hein, ils ont remarqué qu'il avait encore un pouls. Donc, il est amené à l'hôpital par voie aérienne. Il s'en est remis et il a participé aux Paralympiques de 2012. Un gars fait fort, ça, là. Un gars fait fort. Un chauffeur de taxi a déjà dit à Bill Murray qu'il était frustré d'avoir à conduire 14 heures par jour et qu'il n'avait pas assez de temps pour pratiquer le saxophone. Donc, Bill Murray a conduit le taxi pendant que le chauffeur était sur le siège en arrière et pratiquait son saxophone. Hein? C'est pas pire, ça? C'est Bill Murray. Tout le monde aime Bill Murray. En 2005, 110 personnes sont arrivées à égalité pour le deuxième prix dans la loterie Powerball. Les officiels qui s'occupent du jeu pensaient qu'il y avait de la triche, mais ont découvert que les gagnants avaient tous utilisé les numéros chanceux de la même copie papier dans un biscuit de fortune, un biscuit chinois. Donc, ils avaient tous utilisé le même. Le Powerball, donc c'est 5 des 6... numéro qu'ils ont eu les 110 joueurs pour le concours du 30 mars. La combinaison qui a une possibilité de seulement 1 en 3 millions est de 22, 28, 32, 33, 39. Ça a pris quand même du temps avant d'avoir la réponse. Les joueurs avaient trouvé la réponse dans un biscuit chinois et tous les biscuits venaient de la même usine dans Long Island City, dans Queens, à New York. La Corée du Nord est le seul pays qui s'est fait prendre à tricher aux Olympiades mathématiques internationales, les International Mathematical Olympiad, deux fois qu'ils ont été attrapés à tricher, ils se sont fait prendre. On ne peut pas vraiment acheter le nom d'une étoile. L'International Astronomical Union est la seule autorité qui peut nommer des corps célestes. Aucun pays, aucune autorité, aucun scientifique du monde ne va reconnaître un nom d'étoile acheté. Eh bien. Les astronautes du Skylab 4 sont allés en grève pendant une journée parce qu'ils se sentaient surchargés. Il y avait trop le Mission Control avait trop de demandes pour eux, trop de choses à leur faire. Donc ils sont allés en grève, mais évidemment ils étaient dans l'espace. Donc ils ont utilisé le temps de leur grève pour regarder par la fenêtre et juste penser à la place de travailler. Une étude de Texas A&M a invité les gens à goûter à des vins étiquetés de la France, de la Californie et du Texas. Et presque tout le monde a coté le vin français, entre guillemets, comme le meilleur vin. En fait, les trois étaient des vins texans. C'était le même vin texan. Les trois. France, Californie et Texas, mais les gens disaient France parce que Colin, ça a l'air vrai. T'sais. Mais c'est ça, le vin, c'est un peu une attrape, je trouve. Bon. Les chercheurs ont étudié des chats qui regardaient des photos d'hommes à barbe. Donc, les chats regardaient eux-mêmes des photos d'hommes à barbe. Les chats qui regardaient de longues barbes étaient paralysés par moment et montraient des signes de détresse neurologique oui, sévère. Les chercheurs ont conclu que les chats n'aiment pas les hommes avec de longues barbes. Ils sont indifférents aux barbes courtes et ils sont dérangés ou confus devant des barbes incomplètes. Donc, s'il y a des bouts rasés, des bouts pas rasés, ils comprennent pas trop. T'sais. Donc, c'est les chats. C'est spécial. Christian Bale, l'acteur, a déjà vu Tom Cruise à l'émission The Late Show avec David Letterman alors qu'il préparait son rôle pour American Psycho. Le comportement de Cruise, tu sais, qui est un petit peu trop amical, intense, avec rien derrière les yeux, un petit peu comme un regard vide, c'est devenu l'inspiration de Christian Bale pour jouer son meurtrier psychopathe dans American Psycho. Ça, c'est quelque chose. Ça me surprend pas du tout. Tom Cruise a l'air particulièrement fou. Mais bon, ça, c'est juste un avis personnel. Voilà. Pendant que le film est le film, Christian Bale parlait en accent américain sur le plateau en tout temps. Lors du rap party, ça, c'est la fête où on termine le film. Après avoir terminé le film, Il a commencé à parler dans son propre accent britannique, parce que moi je savais même pas à la base, mais Christian Bale est britannique. Plusieurs dans l'équipe pensaient qu'il parlait comme ça pour un autre film. Parce qu'il... non, c'est ça. Oui, qu'il pratiquait un autre film. Mais non, il pensait qu'il était américain. Pendant tout le temps qu'ils ont filmé American Psycho, les gens pensaient qu'il était américain. Tellement il est bon acteur. Sui, un poète du 4e siècle, un poète chinois, a écrit un poème. C'est en fait une grille de 29 par 29, une grille de caractères, de lettres de 29 par 29. Chaque ligne peut être lue vers l'avant, vers l'arrière, à l'horizontale, à la verticale et en diagonale. C'est un arrangement qui permet des milliers de lectures différentes de son poème. C'est absolument incroyable. Donc, c'est Sui, S-U, espace, H-U-I, si vous voulez chercher ce poète chinois du 4e siècle. C'est très, très cool. Il y a une ville fantôme abandonnée au Japon qu'on peut naviguer via Google Street View. Une ville qui a été complètement abandonnée, donc ils ont mappé quand même ça. Ils ont envoyé un seul employé chez Google pour mapper cette île japonaise qui était occupée pendant plus d'un siècle. Et brièvement, l'île la plus, comment dire, populée? On dit ça? Non, on dit sûrement pas ça, mais qu'il y avait plus de monde dessus, bref. Gunkanjima, au Japon, aussi connu sous le nom de Hashima, qui est maintenant un des endroits les plus solitaires sur la planète. Ensuite de ça, il y a la garde côtière américaine qui, à l'occasion, recevait des télégrammes de citoyens concernés qui, apparemment, ne comprenaient pas que l'émission Les Joyeux Naufragés, Gilligan's Island, était une émission écrite, avec script, leur demandant de sauver les gens sur cette pauvre île déserte. Ils recevaient des télégrammes des citoyens. La Coast Guard qui envoyait ce télégramme-là au producteur Sherwood Schwartz pour lui dire, peut-être genre... Faisons quelque chose, mettons un avertissement, cette émission est fictive. Non, sûrement pas. Ensuite, oui, c'est ça. Évidemment, Sherwood Schwartz, le créateur de l'émission, était complètement mystifié et disait, je cite, il y a même une trame sonore de gens qui rient, une laugh track. Là. Comment est-ce qu'ils peuvent penser qu'il y avait des gens qui riaient des survivants du USS Minnow? Ils ne comprenaient pas et avec raison. Les ours polaires dorment pendant les blizzards dans des petits lits qui se creusent. Comme ça, dans la neige va s'empiler sur eux et va donc les isoler du froid. Des fois, ils vont même rester sous la neige pendant plusieurs jours jusqu'à ce que la tempête soit complètement passée. Eh ben. Y a un homme en Suède qui a reçu de l'argent, ce qu'on appelle Disability Benefits. Ça, c'est une pension que tu reçois pour invalidité. Parce qu'il était accro au heavy metal. Apparemment, il était allé à 300 concerts en une seule année. Ce qui faisait qu'il était incapable de garder un emploi. Pauvre homme en Suède. C'est selon le Global Post. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Australie, il y avait un chien dont Louis, l'audition, l'oreille, était tellement précise. Louis était précis. Une ouïe? Ah, ouais. Donc, il était capable d'entendre les avions de japonais à 20 minutes avant qu'ils arrivent. 20 minutes. Et avant de se présenter sur le radar. Gunner était son nom. Il pouvait aussi faire la différence entre les sons des véhicules alliés et des véhicules ennemis. Hein? Donc Gunner, qui faisait vraiment partie de l'Air Force, il dormait en dessous du lit de son propriétaire. Il prenait la douche avec les hommes dans les douches là-bas. Et puis, il s'assoyait avec les hommes pour regarder des films à l'extérieur. Voilà. Donc c'est Gunner, G-U-N-N-E-R. En 2009, après s'être fait dire qu'il ne pouvait pas publier quelque chose de négatif par rapport au gouvernement, donc le Fiji Daily Post, c'est un journal, a décidé de se moquer des restrictions des médias, donc par le gouvernement, en écrivant des nouvelles comme « Un homme monte dans l'autobus et un déjeuner est mangé comme à l'habitude ». C'était un petit peu pied de nez, voilà, pied de nez. Le 31 juillet 2013, les voleurs ont volé des ordinateurs d'un bâtiment, d'un édifice à bureau. Bref, ils ont finalement retourné les articles avec une lettre d'excuse après avoir réalisé qu'ils avaient volé un organisme à but non lucratif qui aidait les victimes de violences sexuelles. Donc ça, en 2013, ça excuse pas le crime, mais quand même, leur message, et je cite, « Nous ne savions pas que nous volions vos affaires. » Donc voici, les revoici en espérant que vous allez pouvoir continuer à faire une différence dans la vie des gens. Que Dieu vous bénisse! Hein? Comme dit le commentaire en dessous sur Tumblr, pas aussi con qu'il en avait l'air. dans la finale de la série Angry Beavers, une finale de série qui a jamais été diffusée, Dag et Norm, deux des personnages principaux, réalisent qu'ils sont des dessins animés. discutent du fait qu'ils se font retirer des ondes et vont même s'appeler l'un l'autre par le nom de l'acteur qui fait la voix de Dag et la voix de Norb. Donc c'est un petit peu mythe à la fin de Angry Beavers. Un couple nigérien noir qui vit au Royaume-Uni a donné naissance, mais en fait je pense que c'est pas mal la femme qui a donné naissance, à un enfant, un bébé blanc, blond, avec les yeux bleus. On l'appelle le Miracle Baby, le bébé miracle, selon le New York Post. Allez voir l'article complet pour les explications de comment ça arrive, ces affaires-là, sur assemblagerequis.com. 563 millions d'années. C'est loin? Ben, dans 563 millions d'années, la Terre va vivre sa dernière éclipse solaire. La Lune va lentement se déplacer assez pour qu'on n'ait plus d'éclipse solaire totale. Ça va dans 563 millions d'années. Jerningham Wakefield, un nom qui a l'air vraiment bizarre, on dirait un personnage de roman. Jerningham Wakefield, politicien de la Nouvelle-Zélande et un Soulon bien connu. Ses amis l'embarraient dans le Parlement pendant toute la nuit pour qu'il soit sobre pour pouvoir voter le lendemain. Un vote important. Par contre, ça a échoué en 1872 quand ses ennemis politiques, donc ses opposants, ont commencé à faire descendre des bouteilles d'alcool, des bouteilles de whisky, par la cheminée du Parlement. Et lui buvait ça, puis t'es bien content. Il avait la bouche sèche. À partir de 1988, la Harvard Medical School a établi un partenariat avec des studios de télé et de films pour insérer le concept du chauffeur désigné, conducteur désigné, designated driver, dans la mentalité populaire. Donc, ils ont vraiment fait attention pour insérer ce terme-là dans les émissions et dans les films pour qu'on commence à connaître le concept d'un chauffeur désigné. Et ça a été un énorme succès parce qu'encore aujourd'hui, partout dans le monde, on parle de chauffeur désigné comme une personne qui ne boit pas pour pouvoir ramener les autres à la maison en sécurité. Alors que les bénévoles donnaient de la nourriture aux gens pauvres, aux handicapés, aux personnes âgées via le concept de Meals on Wheels, qu'on appelle des fois popotes volantes, ils ont commencé à remarquer que les gens partageaient leur nourriture très limitée avec leurs animaux de compagnie. Donc une organisation nommée Animeals a été développée pour aussi nourrir les animaux de compagnie, comme de quoi qu'il n'y a pas juste les humains qui doivent manger les animaux aussi. Un homme d'affaires américain, vous connaissez peut-être P.T. Barnum, qui remarquait que les gens passaient trop de temps dans ces foires ou les endroits où ils montraient des affaires. C'est ce qu'on appelle les exhibits en anglais, mais des démonstrations, des gens comme ça qu'on pouvait regarder. Donc il a posté il a mis des pancartes à l'endroit où il faisait ses spectacles. Ça disait This way to the egress. Egress est un synonyme du mot sortie. Donc E-G-R-E-S-S. Les gens suivaient la pancarte, croyant qu'ils allaient retrouver une autre démonstration fascinante de P.T. Barnum. Et finalement, ils finissaient par sortir de la place. Donc c'est Phineas Taylor Barnum, un homme d'affaires américain, dont on se souvient pour quand il a fondé le Barnum & Bailey Circus. Voilà. Et finalement, est-ce que j'ai le temps de sortir cet extrait-là? Toujours la difficulté à sortir les extraits. Oui, je l'ai. Que ça tombe bien des fois sur assemblagerequis.com. Mais y a un band, un groupe de musique basé sur Draco Malfoy dans Harry Potter. Donc c'est Draco and the Malfoys. C'est un groupe de wizard rock fondé à Woonsocket dans le Rhode Island en 2004. Du wizard rock, donc c'est du rock, W-R-O-C-K. Un genre de musique basé sur la série Harry Potter. Ça a débuté avec Harry and the Potters. Joe et Paul George de Boston au Massachusetts en 2002. Depuis qu'ils ont fondé le genre avec Harry and the Potters, plusieurs autres groupes de rock se sont formés partout dans le monde. Et j'essayais de copier-coller Draco and the Malfoys pour aller entendre un extrait. Tiens, on va l'entendre la chanson My Dad is Rich dans C'est un fait à Assemblage Requis. Restez là. My dad's always there to open all my doors. You have to call a patroness just to catch a glimpse of yours. My mom says she loves me when she tucks me into bed. How's your mommy doing in the mirror of Erised? And your dad is dead. Your dad's on his journey to the grave. straight beyond. When you're dueling, you might see him come out of someone else's wand. You may have freed our house elf or brought doubt to our family name, but your parents still got toasted by a big green glowing flame. My dad is rich and your dad is dead. My dad is rich and your dad is dead. My dad is rich and your daddy's dead. My dad is rich and your dad is dead. Ah, hein? Ça, c'est du générique Draco de Malfoys avec My Dad is Rich. C'était tout ce qu'il y a de plus fade comme chanson, mais quand même. Toujours dans cet effet, il nous reste encore un petit peu de temps pour continuer avec quelques dernières affaires. Une petite fille a écrit à Google une lettre demandant de donner à son père un petit congé. Google lui a répondu et non seulement a complimenté le père de Katie sur son travail durement accompli, mais lui a aussi donné une semaine de vacances bonus. Donc, cher Google, cher travailleur de chez Google, voilà. Pouvez-vous vous assurer que quand mon père va au travail, qu'il ait au moins une journée de congé, blablabla, le mercredi, parce que papa a seulement une journée de congé le samedi. J'aimerais ça qu'il y ait une autre journée dans la semaine, genre, c'est la fête de papa mercredi, c'est ça. C'est la fête de papa mercredi, qu'a dit PS. Et PPS, deuxième PS, c'est l'été, tu sais. C'est l'été, tu sais. Mérite un congé, c'est l'été, tu sais. Donc, Google a répondu le 17 juin 2014, je cite. « Cher Katie, merci pour votre note et votre demande. Votre père travaille très fort sur le design de plein de belles choses pour Google. Il y a des millions de gens partout dans le monde apprécient son travail à l'occasion de sa fête et reconnaissant l'importance de prendre certains congés de le mercredi, l'été. Nous lui donnons toute la première semaine de juillet comme temps de vacances. » Ça crée peut-être un précédent, là, tout le monde va vouloir aller vacances au mois de juillet, mais bon. Félicitations à Google pour au moins avoir d'avoir au moins répondu à la fille, même d'avoir donné un bonus d'une semaine de congé, c'est quand même appréciable. Vous savez peut-être qu'il y a un chat dans le film Le Parrain. Le chat donc qui ronronnait tellement fort que certaines des lignes de dialogue des répliques de Marlon Brando ont dû être redoublées. Le chat ronronnait trop fort. La première poupée troll a été créée par un pêcheur danois. Qui ne pouvait pas se permettre d'acheter un cadeau de Noël pardon, à sa fille. Les autres enfants ont vu le troll et en voulaient tous un, eux aussi. Donc, c'était créé en 1959 par un pêcheur danois, Thomas Dam. Dam qui ne pouvait pas se permettre donc, un cadeau pour sa jeune fille Lila, et a fait une poupée avec son imagination à lui-même. Voilà. Ensuite, allons-y avec... Il y a un village japonais, tiens. Qui ressemble exactement à la Suède et qui célèbre des traditions suédoises. Ça s'appelle Sweden Hills, Hokkaido. Vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequis.com. Donc, un village style suédois à Hokkaido, au Japon. Le style des maisons est suédois, bien sûr, avec du bois rouge. Et les gens là-bas célèbrent les traditions suédoises. Il y a trois personnes... Non, ça, c'est triste. Il y a trois personnes qui sont mortes dans un simulateur de vol d'avion quand un vrai avion a foncé dans la bâtisse où ils étaient situés. Imagine, t'es dans un simulateur. Il me semble que ça a l'air trop vrai. Là. Trop vrai, ça. Le réalisme, à un moment donné. L'avocat à la défense et congressman nommé Clement Vallandigham lors d'un procès pour meurtre. S'est accidentellement tiré dessus et est mort en faisant une reconstitution de la possibilité qu'une victime se tire dessus accidentellement et qu'elle se tue elle-même à la place de son client. Donc, le défendeur a été libéré parce que clairement, c'était possible l'histoire qu'il racontait parce que lui-même, l'avocat à la défense, s'est tiré dessus en pleine face. Disney voulait vraiment que Robin Williams soit la voix du génie dans Aladdin, tellement qu'ils ont animé et fait de la synchronisation labiale, du lip-sync du génie avec le stand-up de Robin Williams. Donc, ils ont pris des extraits de stand-up, ils ont matché les lèvres du génie avec ce stand-up-là, avant même de l'approcher, Robin Williams. Williams était tellement impressionné qu'immédiatement, il a signé. Oui, oui, je suis là. Je suis là. On me dit... Attention. Ah, celui-là, il faut que je le trouve. Ah, ça va être difficile, celle-là. Attends un peu. Ça va être vraiment difficile de trouver, celle-là. Donnez-moi 30 secondes. C'est plus loin que ça encore. Oh! Il faut absolument que je le trouve. Si je le trouve pas, je vais être triste. Ok, je pense que je l'ai. C'est là ici. Oui! Phew! Ça a pas pris plus que 10 secondes. Je trouvais ça long, le silence, mais quand même, ça vaut la peine, je pense. C'est à partir de 6 minutes 54. On va scroller là-dedans. 6 minutes 54. Ici. Ok. Donc, vous voulez utiliser Robin Williams comme génie. And as we wrote our first version of the script, that was one of the key ideas there, was that the genie was kind of a transforming stand-up comedian, very much like Robin Williams. Donc, le génie était comme un stand-up. Nice to have you on the show. We took a comedy album of Robin. C'est juste ça l'extrait. Ils ont pris un album d'humour de Robin Williams. On voit un extrait dans la vidéo, mais c'est comme deux secondes où le génie est devant des gens, des personnages du film. But first, before we do the play, I'd like to talk about the very serious subject of schizophrenia. No, it doesn't. Le vieux l'extrait avec des dessins en noir. C'est super bien fait. Donc allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Je vais vous classer ça mieux à la fin de l'émission. Ça va être vers la fin de C'est un fait, dans les notes, bien sûr. Sinon c'est un peu compliqué des fois tellement qu'il y a d'affaires dans C'est un fait. Je vous l'avoue. Je vous le donne. Ensuite, l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale a développé une grenade de la même grandeur et de la même forme qu'une balle de baseball. Parce qu'ils savaient que ce serait plus efficace pour les soldats qui avaient grandi en jouant au baseball, que ce serait plus facile de lancer des grenades parce qu'elles étaient de la même forme qu'une balle de baseball. À vous, là, c'est la T-13 Beano Grenade. Allez voir les photos sur le site. Et finalement, sur la couverture de l'album Abbey Road, il y a un homme à l'arrière-plan. Si vous avez déjà remarqué, on voit les 4 Beatles à l'avant-plan sur des lignes de rue pour traverser la rue. Tout le monde connaît cet album-là. À l'arrière, il y a un homme. Hein? Il a créé une des photobombs les plus célèbres de tous les temps. Son nom est Paul Cole. Puis il aime pas les Beatles. Lui aime pas les Beatles. On apprend quelque chose à tous les jours. Hein? Mm-hmm. Ah voilà, c'est tout pour C'est un fait. On continuera ça une autre fois parce qu'on fait C'est un fait les lundis à Assemblage Rock. Ah, mais malheureusement, nous, Colin, je regarde ça puis c'est pas mal la fin de l'émission d'aujourd'hui. Incroyablement, comme ça, sans s'annoncer, c'est la fin. Oui. Ah. Mais nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Demain, on est mardi, mais comme c'est la semaine de relâche, pas grand monde qui va être là, malheureusement. C'est comme ça. Ça va être pas mal moi, mais Stéphanie va être de retour demain. Et on va faire une grosse pointe à l'adresse, d'habitude, le mardi. Restez sur nos ondes. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, je vais vous dire ce qui est pas mal sûr. J'imagine que Le Voyage et Site va être là à 19h et que Rock de Neurone va être là à 20h. Les émissions de soir habituellement sont là. Cif.ca pour la programmation complète. Ne vous y fiez pas. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission. Les balados diffusion. On se quitte avec une pièce de Fontarabie qui s'appelle Vent Blanc. Et on se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. Passez une excellente journée. Bye bye.